L'alcool, la drogue m'aide à méditer. J'suis venu rapper ma vérité. J'suis venu rapper la vie pas ordinaire d'un jeune négro typé. Que sa maman a bien éduqué. Qui déteste l'autorité. Qui a fait du mal par nécessité. Pas pour la street crédibilité. J'éclate musique pour sortir de la merde. Pas le choix, j'dois tout niquer. J'veux plus vendre du shit ou aller les braquer. Cagouler quand t'es broliqué. J'bosse dur hiver comme été. Avec Excalibur comme épée. Car si la haine vient me refaire du pied. D'un coup de lame, j'vais l'amputer. Trop de flow, trop de niveau. Dans ce rap game, j'suis plus redouté. Trop de faux, trop de mythos autour de moi m'ont fait trop douter. Trop de négros m'ont dégoûté. Franchement, si vous les écoutiez, hier ils me parlaient d'unité. Aujourd'hui, ils parlent de vouloir me buter. La vie est une chienne. Chaque soir, je pense à la gaine d'une manière dont t'as pas idée. Elle m'a trouillé, m'a privé d'dignité. Donc à mon tour, je dois pas l'éviter. Je compte la baiser avec brutalité. Ici, revanchard de la mentalité. Chiche m'a dit de pas paniquer. Et je fume de la dope de qualité. Je suis entré armé d'un 357. Je lui dis, vide-moi cette caisse. Avant que je te pète la tête. Comme si j'allais le faire. J'ai investi dans la gueule trop. Ça se passe comme ça dans mon ghetto. C'est la merde, il faut des euros. Ouais, il faut les faire. On s'était dit qu'on s'aimait. Tu voulais que je te fasse un bébé. Et moi j'étais pas prêt. Avec un autre, t'es allé le faire. Je suis toute ma vie en studio. Je traîne la nuit avec mes potos. Ils veulent pas nous dans leur radio. T'inquiète, un jour ça va le faire. Plus petit, je te cache pas, je me disais que la drogue j'y toucherai pas un peu plus tard. Disons que je me déplace pas pour moins de 50 balles. Je suis là et je te raconte ce que tes rappeurs ne vivaient pas. Au quartier, j'attends que ça passe à la ceinture, mon père est là. Quoi qu'on fasse, nous t'inquiète, on cesse paniquer par nos choix. Un clin d'œil à toute cette fumée que j'accumule tous les soirs. Et oui, c'est vrai, je suis un gros mytho. Quand tu me donnes envie de jouir, bébé, mon cœur n'a pas ton temps. Là, y'a ma haine qui chouine, là, alors je suis rentré au studio. Vous m'avez aimé. Les inconvénients, c'est que j'ai d'autres préoccupations. L'amour des billets. Mes rimes foncent dès tous les soirs. Je suis rentré au studio. J'en ai vu me détester. Grâce à mon talent, gros, j'ai d'autres préoccupations. L'amour des billets. Mes rimes foncent dès tous les soirs. J'suis entré armé d'un 357. J'lui dis, vide-moi cette caisse. Avant que je te pète la tête. Comme si j'allais le faire. J'ai investi dans la gueule trop. Ça se passe comme ça dans mon ghetto. C'est la merde, il faut des euros. Ouais, il faut les faire. On s'était dit qu'on s'aimait. Tu voulais que je te fasse un bébé. Et moi j'étais pas prêt. Avec un autre t'es allé le faire. J'suis toute ma vie en studio. J'traîne la nuit avec mes potos. Ils veulent pas nous dans leur radio. T'inquiète, un jour ça va le faire. Fasse le balai. Les études moi j'm'en balai. Couille mais j'finirai pas avec un balai. Hein, devenir footballeur, est-ce que tu t'en sous? Viens, on terminera sur le terrain, attendant que les sous viennent. Un petit job, non, nous on a préféré les plaquettes. Le temps passe vite et je m'aperçois que des frères ont perdu la tête. Sky 8, fonce D, faudrait qu'un jour on arrête. Oui, j'ai fait du mal, faut que tu comprennes, c'était la crise aux manettes. J'suis entré armé d'un 357. J'lui dis, vide-moi cette caisse. Avant que je te pète la tête. Comme si j'allais le faire. J'ai investi dans la gueule trop. Ça se passe comme ça dans mon ghetto. C'est la merde, il faut des euros. Ouais, il faut les faire. On s'était dit qu'on s'aimait. Tu voulais que je te fasse un bébé. Et moi j'étais pas prêt. Avec un autre t'es allé le faire. J'suis toute ma vie en studio. Je traîne la nuit avec mes...